Et Kairos, sur Eritim, la bien batte. Ma fille, ça est cloqué pour mon people 974. People, ils veulent le son pour danser en boîte. En famille, en fête, il faut le son, yeah.